15 ans, 2 ans, je commence à marcher comme un mort vivant. Je sais que je vais brûler, mais tous les jours au réveil, je remercie le Seigneur d'être encore vivant. Pétasse, je pars pas de Philippelin. Shenzhen et qui est Philippelin. Même pas faillé après 4 Philippelin. Tire une taf de la loud. Tu tousses comme si t'as une bronchite. Je roule un gros fumigène nécro. Je mets un tout petit peu de tabac sur mon shit. Fils de pute, tu disparais de ce. Comme un meuge de C. Rien dans les narines, mais je gratte que des lignes comme un gueuche de C. Allo, allo, moi le plug. Je décolle, je pull up, je vais récupérer le colis. Dans Dakar, Vesky, les plaques AD, les véhicules de police. Négro, on se pète la nuit, béton pour les transacts. Chez où ils sont, donc je contourne les grands axes. Je veux la villa en bord de mer avec les raptors, les jets, la piscine et les transats. Frisk Orléans et qui est un Elvis. J'arrive dans les médias comme Elvis. Négro, je suis quelqu'un à mort, je veux l'argent noir et la couronne comme Elvis. Sans aucun stress, il pas un verre de danger. Je suis que de la frappe comme le maire de Tanger. Bélec, je suis dans le complot comme le maire de Angers. Comme Kodak, capture le moment fils. C'est comme mon fils, je viens prendre les commandes fils. Un sommet belge, j'arrive qu'Illuminati comme en 96. De 4-6 Star Wars, de ces plein de clones. Trouve de la personnalité, j'ai des symptômes. Dieu et le fer, je me sens plus protégé que si j'étais sous 5 dômes. Je veux 10 briques dans mes roquettes. Je fume des missiles, je fume des roquettes. Dans le lin, depuis longtemps, comme la ville des roquettes, je roule mon terre. Y'a au moins 72 boulettes. Blindage du village SO, kaki négro, pouf boulette. Mets la potion dans la kirène, allume de l'alarme quand tu sens, c'est comme si t'entends la sirène. Négro, il me faut plus de liquidité qu'il y en a dans les comptes en banque à sirène. Sans aucun stress, j'en bute 18. Négro, tous les jours des camas, j'en fume 18. Sous l'un, fais des scores de tennis dans fut 18. Équipe, allo, allo, moi le plug. Je décoche, pull up, je vais récupérer le colis. Négro, on se fait de la nuit béton pour les transacts. Chez où ils sont, donc contourne les grands axes. Chris Corleone qui est un Elvis. J'arrive dans les médias comme Elvis. Sans aucun stress, c'est pas un verre de danger. J'fume que de la frappe comme le maire de Tanger. Bélec, j'suis dans le complot comme le maire de Angers.